Oui, Bernard, la réforme de la sécurité sociale en Belgique est en marche. Penses-tu qu'elle attaque l'essence même du modèle de sécurité sociale bismarckien? Ben, disons que cette réforme, comme toutes les réformes menées dans les pays bismarckiens, c'est-à-dire des pays qui ont financé la sécurité sociale par une socialisation du salaire et non pas par l'impôt, hein, et qui pose donc ce qui se passe dans la sécurité sociale comme une affaire de travailleurs, est attaqué, enfin la réforme attaque cette disposition-là en remplaçant la cotisation par l'impôt. Hein. Il s'agit de compenser la tax shift par un financement alternatif, ou exactement comme on a en France, l'exonération de cotisation patronale remplacée par une dotation budgétaire. Bon, c'est toujours pareil, hein. Il n'y a rien de neuf dans tout ça. C'est l'obstination de la classe dirigeante à ne pas faire sortir le salaire du champ de l'emploi, hein, et à dire il y a des risques qui relèvent du travail, identifié emploi, et puis la famille, la santé, tout ça relève pas du travail, c'est normal que ce soit un impôt qui finance. Or, produire la santé, c'est du travail. Éduquer les enfants, c'est du travail. Et donc, ne plus payer par du salaire la production de santé ou l'éducation des enfants, c'est enfin, remettre le salaire dans le carcan de l'emploi capitaliste. C'est ne pas sortir de la définition capitaliste du travail. Seuls ceux qui se soumettent à un employeur travaillent. Les autres, ils travaillent pas, ils dépensent. Et c'est cette restauration de la cotisation comme ce qui fait sortir le fleuve du salaire du lit capitaliste dans lequel il est enserré, c'est ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, contre la réforme. Et pourquoi les syndicats alors ont abandonné la cotisation? Ben, ils ont abandonné la cotisation, pas totalement, n'exagérons pas, hein. Il y a une revendication de maintien de la cotisation, mais en revanche, il y a une forme d'inscription maintenant de cette revendication dans l'acceptation qu'il y ait une part fiscale et une part cotisée, parce que précisément, le mouvement syndical a été contaminé progressivement par l'idée que la Sécu, c'est la couverture de besoins. Qu'il y a une dépense de santé pour couvrir le besoin de santé. Alors que la Sécu, si on s'en tient à la santé, c'est une production de santé. On ne dit pas dépense automobile, on dit production automobile. Ben, il y a production de santé, et cette production de santé doit être assumée par du salaire, et donc par une hausse de la cotisation.